Ouais. Ça enregistre. Ça enregistre ? Ok. Exact. Donc, je sais pas comment. Aïe aïe aïe, ça commence mal. Bah, ce sera le début de l'épisode. Allez, générique. Menteur ! Menteur ! Allez, c'est parti. C'est parti ? On est... Un grand silence, comme ça on peut continuer. La seule personne qui a un micro décide de cracher dessus. Bonjour tout le monde, bonjour. Bonjour. J'ai eu peur. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans cet épisode spécial d'Intérieur Nuit, épisode 15, c'est ça ? 15 ? C'est ça, oui. Je sais plus. L'épisode, l'épisode des 1 an. Des 1 an d'Intérieur Nuit. Putain. 1 an. C'est bien parce qu'on voulait faire 2 épisodes par mois. Si on compte 1 an, 12 mois, 2 par mois, ça fait 15. Ouais, c'est ça. J'ai pas eu mon bac de maths. vous entendez des rires ? Ce n'est pas des rires enregistrés comme dans Friends, c'est des amis. C'est tous ceux qui sont venus. Arrête, Tanguy. C'est tout... Bon, bah, chie-moi dessus, peut-être. Mais attends, attends, attends. C'est-à-dire, c'est les 1 an, c'est-à-dire c'est l'anniversaire. C'est le... Oui, c'est l'anniversaire. Putain, tu l'as fait tellement bon. Bon anniversaire, les petits indiens. Oh, ça tire de ouf. Bon anniversaire, les petits copains. Là, il y a une chance, en fait, parce que... On est une dizaine et il y en a que 4 qui ont des casques, donc on explique. Bah une oreille voilà, chacun. Bon, ouais. Buffalo Grill donner l'argent. Ouais. Voilà, c'est la chanson de Buffalo Grill de, quand des il petits y a indiens. L'anniversaire en fait. Voilà, donc si vous ça connaissez fait pas. Bon anniversaire les petits indiens. Ouais. Bon anniversaire les petits cowboys. Effectivement une extermination de masse dont tu parles dans ton prochain livre d'ailleurs. Ouais, c'est le titre de effectivement, bah, on en parlera. On en parlera au moment venu. Donc voilà, c'est assez brouillon, mais on est beaucoup et on est tous ceux qui sont là ont déjà participé à Intérieur Nuit et voilà. On est tous sympas. Et voilà, il manque 3 personnes. Il manque 3 personnes qui ne pouvaient pas être là parce qu'ils sont pas là. Parce qu'ils sont pas là. Voilà. Sont voilà. Les moins ouais, hein, Alexis. Je peux pas dire son nom de famille. J'allais le faire. Bah mais... non. Allez. on va se présenter très vite fait. Chacun va s'approcher d'un micro le plus proche de lui et, ou d'elle et va dire qui il est. Donc Mathilde commence, vas-y. Qui tu es, vite fait, et à quel épisode t'as participé ? Bonjour, je suis Mathilde, j'ai participé à l'épisode 4 et 9 et à l'évolution de Yolande et Johan et de leur rapport sexuel. C'est vrai. Merci, Mathilde. Bonjour. Alors, pour l'image, Théophile tend le micro qui est sur un pied. C'est pas du tout stable. Moi, c'est Christina et j'ai participé à l'épisode XXX de Paul c'est Logan. Le 8. Voilà. J'avais pas non plus. Projet XXX. Et du coup. Et moi, c'est Noémie et j'étais. C'est mon podcast. Théophile n'a plus de micro et il est très mécontent. Bref, du coup, moi, c'est Noémie et j'ai participé à l'épisode 8 de Projet XXX avec Logan Paul et voilà. C'est film d'horreur. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, bah, ça va, monsieur photo. Agathe. Oui, bah, du coup, moi, c'est Agathe, hein, tu l'as dit avant. Oui. Je sais pas si on entend le bruit du clic dans le micro, mais c'est très marrant. Ouais. Et du coup, j'ai participé avec Mathilde à l'épisode 4 et 9. Donc, Johan et Yolande, hein, les vrais. Et à l'épisode, je sais plus combien, mais il y a un Père Noël. Enfin, l'épisode de Noël qui est sorti en octobre. Ouais. Voilà. Exact. J'ai plus les l'épisode numéros. L'épisode de la rentrée. C'est l'épisode 10. Okay. Ah oui, voilà. Je te ouais, fais confiance. Mais on sait pas, Louis, rapproche-toi d'un micro. Attends, mais t'as dit que c'était l'épisode 15 là. C'est pas du tout l'épisode. Je sais pas. C'est pas grave. Louis, t'es qui ? Louis, ingénieur du son à ses nuits perdues sur Intérieur Nuit. Merci pour cette remarque. Et j'ai participé à beaucoup trop d'épisodes, donc je vais pas compter. Il est derrière la technique de la majorité. Derrière les micros, derrière les casques, il est partout. Hey, il est derrière la porte. Tanguy. Bah, moi, c'est Tanguy. J'ai participé à trop d'épisodes pour m'en souvenir, notamment les road movies, les westerns, les comédies romantiques. Et j'en passe, c'est des meilleurs Pixar aussi. Oui. Il était là à l'enterrement de mon grand-père. Enfin, il est tout le temps là, ce gars. Le prochain, Yann. Dépêche-toi. Eh, salut. Moi, ouais. Donc, je m'appelle Yann et j'ai fait. Ouais. En tout cas, ils étaient bien. Les road movies, non ? Les road movies et les films de super-héros. Voilà. Et voilà. Petit pied qui n'est pas là. Eh oui. Rip. Il est pas mort. Elsa. Du coup, moi, c'est Elsa et j'ai participé au... C'était quoi ? L'animation 6. Japonaise, ouais, l'épisode 6. Voilà. Toute seule parce que Léo faisait de la merde et il est pas là, donc c'est tant mieux. Ouais. Et voilà, et moi. Et nous, bah ça va, on connaît. Hein. Non, parce que tu m'as pas. Enfin, moi, c'est Théophile, c'est qui Théophile, c'est mon podcast. T'étais là à quel épisode ? Voilà, il n'y a pas de vanne. Voilà. Voilà, donc on s'est tous présentés. On va. bah vas-y. Ouais, vas-y. Eh bien. J'allais brancher la PS4 si vous voulez pour le. Donc on va faire un épisode sur le principe du cadavre exquis. Mais sans faire de cadavre exquis. Voilà, voilà. Il n'y aura pas de mort dans cet épisode. J'aime mieux le cadavre exquis. Et on va commencer. Attention, je vais vous demander à ceux qui sont à côté de moi de vous décaler parce qu'il y aura la réponse du jeu. Ah oui. Donc, genre, ah oui, décale-toi oui. Genre, sur les 3 minutes. Ah non, mais attends. Et on va faire un petit jeu pour commencer. On va jouer. Un petit jeu. Approchez-vous des micros pour donner les réponses. Un petit jeu. À peu près 5 cm. J'aime pas les gens, j'aime pas. Non, pas de moi. Ah oui, bah ouais, c'est vrai. Attention, parce que ça commence à devenir brouillon là. Alors, ce jeu. Toi, tu peux te mettre à côté de moi si tu veux. Petit peu de proximité, ça fait pas de mal. Vous rapprochez-vous là. Alors, le jeu, tu peux ne pas le dire. Tu triches ? Je peux faire un truc d'exemple. Oui, ah ouais, Théophile va faire l'exemple. Okay. Alors, vous m'écoutez ou pas ? Il y a un alpha pour prendre des photos. Oh, mec ! Attends, mais donne-le moi alors. Désolé, on s'organise pour les photos. S'il te plaît, d'accord ? Je peux les prendre ? Non. après. Mais non, tu pars après, donc vas-y. Désolé, c'est un peu brouillon, mais on va jouer à un jeu qui s'appelle le jeu du Twitter. Quelqu'un sait faire le. Bah, allez vous faire foutre, putain. Personne m'écoute. Est-ce que quelqu'un connaît moi, Twitter, Twitter. Ouais, j'ai 2000 abonnés. Quelqu'un sait, Twitter, quelqu'un sait faire le j'ai bruit de l'oiseau sur Twitter. Qu'est-ce voilà. Que merci. Tweet. Par contre, il va falloir m'écouter. Il y a écrit on. Bon, Yann, c'est pas parce que t'étais là. Salut, en seul épisode. Ça va. Alors, le jeu de Twitter. Bon, allez vous faire foutre, putain. Non, mais je la follow. Pourquoi Théophile, pourquoi on a eu cette idée d'inviter plus que deux personnes ? Moi, je t'ai dit, ça allait être un fiasco. Voilà, c'est un fiasco. Et on m'entend même pas. Alors, le jeu du Twitter. Qu'est-ce que c'est que le jeu du Twitter ? Le jeu du Twitter, c'est très simple. Il va falloir deviner. Personne m'écoute. Il faut deviner quoi ? Qui a fait ce tweet ? Non. Le jeu du Twitter, il va falloir deviner de quel film je parle à partir d'un tweet qui a été rédigé par l'un des personnages du film. Comment ? Non, non, par. C'est moi qui les ai écrits. Un personnage du film, tweet, devine le film. Mais l'acteur, okay. Du coup. Ça sature. Non, non. Il a une voix qui sature. J'ai rien compris. Naturellement, dans la vie, il sature. Donc, il y a un exemple pour mieux comprendre. Vous avez tous à peu près compris le principe ? C'est Twitter ? Oui. C'est le réseau social avec plus de 500 millions d'utilisateurs. Donc, le premier tweet, par exemple, qui est un exemple, donc je vais vous donner la réponse. Vas-y, Théophile, vas-y, dis le tweet. Le tweet, alors, par exemple, comme exemple de tweet. Ah, oh, en fait, c'était mon père depuis le début. Oh, c'est Marc Hamill. Bah oui. Marc Hamill m'a souhaité mon anniversaire sur Twitter en 2014. Ah bah moi c'est Verino. Attends, est-ce qu'on peut aller sur cette anecdote là? Pourquoi? C'est vrai, j'ai mon compte Facebook. On s'est mis d'accord qu'on devait écrire un truc. Hein. On devait faire un podcast. Hein. Ouais, est-ce que vous avez compris le concept? Ouais. Mais du coup dans ce cas-là il faut dire pas... Marc Hamill ou Luke Skywalker. Non, mais le film. Star Wars. Le tweet. C'est pas des vrais tweets. C'est moi qui les écris. C'est un jeu. Ah. Bordel à la con. Qui a dit plus on est fou plus on rit? Pour répondre, va falloir lever la main, ok? Ok. Et après, vous dirigez vers un micro. Ce que je ne fais pas actuellement. Donc, le premier tweet. Putain, le vieux ouf, là, il régale, il a vraiment dépensé sans compter, ce bâtard. Est-ce que c'est un film français? C'est un film... Ah, merci. Oh, ah oui. Ah, oui. Okay, allez, allez, putain. Yes. Du rythme. D'accord, c'est par rapport à la réplique, c'est bon en fait. Mais ça, c'était un exemple, ça comptait pas. Quoi ? Yes ! Mais de toute façon, y'a rien qui compte, y'a rien à gagner. Quoi ? On est encore dans la course. Ok, on va dire que c'est Tanguy qui a gagné, qui remet son titre en jeu. Yes ! Donc, y'a aussi un. Comment dire ? Yes ! Si vous trouvez. Si vous trouvez pas, je peux vous donner le arrobas de la personne qui l'a écrit, donc le personnage qui sera pas cité explicitement, qui vous donnera un indice supplémentaire. Donc, tu veux en lire quelques-uns ou je le fais tout? Vas-y, doucement, elle est bien. Sa casquette un peu, vas-y. Mais elle est bien. Fais le premier, qui est celui-là. Eh hey, tonton, si je te retrouve, je te nique, tout est mort. Toi et tes cicatrices à la con, là. Les tontons flingueurs. Non. Le royaume. Oui. Oh, le royaume. Le, c'était un tweet. Attends, est-ce qu'on peut la... Est-ce qu'on, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut la refaire? Mais tu le fais dans le micro, par exemple. Ouais, dites-le dans le micro. Non, non, attends, je ne suis pas fan de ce jeu car je perds. Non, attends, elle double ça. Vas-y. Le roi lion. Ouais, ouais, ouais. Et le arrobas, c'était Simbal. Simbal. Ah, c'est drôle. Ah, d'accord. Le film où ça allait. Écoute, Mathilde, c'est compliqué. Alors, vous êtes drôlement nul. Le prochain tweet. Je suis prof et je suis obligé de... Bon, attends, vas-y, dis, allez. Je suis chaud. Allez, vas-y. Non mais... Les... Je suis prof et je suis obligé de... Yann, vraiment tu vas sortir. Désolé. Je suis prof et je suis obligé de cumuler les emplois à l'autre bout du monde, alors le gouvernement, hein, là, ouais, les nazis. Indiana Jones. Oui. Oh putain. Ah, c'était un tweet de arrobase passion tombeau. À moi. À toi. Je suis pas trop dans le délire astrologique, mais vraiment, le lion et le cafard ne s'associent définitivement Astérix, pas. Astérix, Astérix, Cléopâtre. Oui. Yes. Non, pour Yann. Ah, t'es plus forte au blind test, Agathe. Hein. Oui. C'était un tweet de numéro 2. Franchement, vu mon Noël, ne vous plaignez pas de votre auto-raciste. Je déteste les Allemands. Merde. Vous mon l'avez. Noël est une ordure. Non. Je déteste les Allemands est un indice. Oh bah alors là, je vais dire... Comment ? Pas du tout. C'est pas le film parodie avec les zombies qui revient à la ville ? Pas du tout. Non. Franchement, vu mon Noël, ne vous plaignez pas de vos tontons racistes, je déteste les Allemands. Je vous donne la rebase. Oh, si. Ouais, non, attends, j'ai Die Hard. Oui ! Oh, oh. Wow. C'était un arrobase yippie-caillé. Voilà. Ensuite, je peux faire le prochain ? Non. Ok. Non, si, bah, si tu veux, en fait. Elle est nulle. Trade, comment j'ai rencontré l'amour de ma vie dans un Costa Croisière? Titanic. Oui. Bravo. Bah de arrobase. Hey, oh, arrobase rose, j'avais pas trouvé de blind. Ensuite, le prochain. Il est... Alors attends, lui il est compliqué, faites attention aux mots utilisés. Ça se voit, ils ont pas envie de partager le micro, genre. Ils ont trop l'habitude d'avoir un micro pour eux. Hey lol, mon pote en soirée, il me... Attends. On peut pas zoomer. Ça s'éteint. Hey lol, mon pote en soirée, une meuf lui a fait de l'œil. Attends, comment je lis ça? Je vais le faire. Alors, hey lol, mon pote en soirée, une meuf lui a fait de l'œil. Du coup, il a fait tout le pays pour la retrouver. Elle lui a mis la bague au doigt. Il a disparu. Il était pas prêt le boug. Seigneur Zano. Ouais, les deux en même temps. Putain. Et le arrobas, c'était un tweet de Sammy Sam Sam Sammy Sam. C'est le cas où on a dit, en fait. C'est ça. Je vais les faire tous parce que tu sais pas lire. Le CP, c'est compliqué. Alors attention, là, c'est une petite rafale de trois trucs qui sont basés sur la punchline de Mr. V et ça fait clic-clic, ta mère dans un clic-clac. Ouais. Vous l'avez? Oui. Si vous l'avez pas, vous l'avez maintenant. Et ça fait clic-clic, ma sœur dans un clic-clac. Antigone? Non, ça c'est un vrai film, un film connu. J'ai un arrobas qui peut vous aiguiller. Attends, une sœur. La nonne. Bah, Star Wars. C'est Star Wars. Ah, on l'a dit ensemble. La prélogie. Et ça fait clic-clic. Parce que c'est la suite de Oedipe Roy. C'est la fille d'Oedipe. C'est le 2 en fait. Ça sert à rien. Ah, d'accord. Ensuite, le dernier de cette vanne. Oh, bah, il y a quelqu'un qui sonne à l'interphone. Très bien. Et ça fait clic-clic-clic-clic. J'adore les ordinateurs. Je suis un geek. Matrix. Oui. Ah putain. Ah, oui. C'était un tweet de @ John Wick. Putain, je pensais que c'était Social Network. Ouais, bah non, ça pouvait marcher. Okay. Bah attends, je te l'offre, Yann. Ça fait clic, clic, clic, j'adore les ordinateurs, je suis un geek. Social Network. Ouais, c'est ça. Merci. C'était pas ça. Non, c'est pas ça, mais il a dit que ça pouvait être ça, donc je vais donner. Donc le dernier. Putain, la voisine a laissé l'eau couler dans la douche. Certes, elle est morte, mais s'il y a plus d'eau chaude, je me lave comment, moi, égoïste. Oh, c'est oui. Ouais, psychose. Oui, c'est psychose. Oui. Bah, douche, en fait, tu dis douche. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'en ai un. Vas-y, t'en as un. En impro? Ouais, moi, en impro. Eh, les requins, trop des bâtards. Dans de la mer. C'était bon. Merci. Eh, j'en ai un. Eh, les femmes géantes de 50 mètres, c'est trop des bâtardes. L'attaque de la pom-pom girl. L'attaque de la pom-pom girl géante de 50 mètres. Voilà. Non, c'est l'attaque de la pom-pom girl géante. Oui, mais non, mais genre. L'attaque des titans, mais ouais. C'est une. Ça passe. C'est un. Ouais, non, c'est même pas un nanar parce que. Je sais pas. Bon, on accueille tous Alexis qui arrive en retard. Salut Alexis. Il a ramené les barquettes lues. Il est passé à l'épicerie d'en bas puisque c'est les mêmes étiquettes. Voilà. C'est pour ça qu'il avait du retard. Ah, il a pris les capotes aussi. 12 et on est 11. Cool. Bah, le jeu est fini. Donc, oh. Merci Alexis. T'en veux une, Alexis, pour te mettre en chaud. Non, mais bon, les gars. C'était un plaisir. Alexis. Donc, on va passer au premier groupe de cet épisode. J'espère que est-ce que le jeu était cool? Oui, voilà. Génial. Merci, c'est ce que je voulais entendre. Par contre, je pars dans moins de 20 minutes. D'accord. Voilà. Bah, c'est pour ça qu'on va passer au premier groupe, composé de Agathe et Mathilde. J'aimerais bien que les autres s'écartent un tout petit peu et laissent Agathe et Mathilde devant les micros. Alors, donc là, votre tâche sera de définir le thème, le contexte, les personnages, sans entrer dans l'action, etc., dans ce qui va se passer. Tout ça. Tout ça exactement. Ouais. Qui veut commencer? Moi. Qui a des idées? Non, j'en sais. Alors évidemment, si, je laisse la place à Agathe. Vas-y, vas-y. Attends, je précise, on va entendre du bruit de fond, c'est normal. Les autres ne sont pas exclus de l'appartement pendant qu'on enregistre les autres. Même donc, si on aurait aimé, mais. Voilà. Ouais, ça n'est pas possible. Il n'y a que Agathe qui n'aime pas les gens. On ne peut pas inviter les gens et leur dire restez dehors le temps qu'on veut. Agathe, la parole est à toi. Oui. Alors, du coup, moi j'ai une idée. Enfin, j'ai rejoint l'idée de Mathilde dont on a parlé tout à l'heure. C'était les comédies musicales. Je trouve que ça peut être une très bonne idée. Et je pense qu'on peut rajouter des phases de karaoké également. Ouais, mais je pense que ça va être refusé par Comédie musicale. Comédie musicale, ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Antonin? Ah, moi, je déteste. Moi, je suis contre, mais. Alors. Oui, fais chauffer cette pizza, Yann. Oui, Yann, continue, oui. Oui, Yann, vas-y, fais-le, oui. Comment dire? Non, mais comédie musicale, en fait, le problème, c'est que. Ok, c'est... je change. Non, mais c'est alors... pas. Non, mais moi, ça me dérange pas. C'est juste que. On nous a dit, on peut faire ce qu'on veut. Bah, C'est pas un genre en tant que tel. C'est un truc qui regroupe plein de trucs. Il y a des comédies musicales. C'est bien. Oui. Puis on peut chanter, quoi. Ouais. Vous pouvez chanter. Ah. Bah, du coup, Mathilde, tu devras chanter une réplique sur deux. Okay. D'accord. La prochaine. donc la prochaine fois, tu chantes. non mais pourquoi pas comédie musicale, mais vu qu'on va pas écrire de chansons là maintenant. Ouais, non, j'avoue. On peut improviser des chansons comme toi. Oh, tu sais, c'est très mauvais généralement. Merci. Merci du chocolat blanc, j'adore. Ah non. Alors ouais. On nous offre des chocolats en direct. Non merci, après. Non, merci. Genre on enregistre un podcast en fait. On essaie d'être sérieux un petit peu. Je vais t'aider après, Yann, pour le cours. Bon, allez, du coup. C'est pas du tout un podcast. Merde, pardon. C'est une soirée. J'avais prédit que ça allait être un fiasco. Mais c'est pas un fiasco, regarde, on a fait une comédie. Ah ouais, on aurait tout dû. Bon, alors. Ouais, ok. Si, moi je propose, si on enlève la partie musicale. Ouais, une comédie. Une comédie. Groupe suivant. Voilà. Et on enlève la partie comédie. Et on fait, par exemple, un film. Autre chose. Du coup, on enlève les deux parties sur deux. Exact. Ok. Non, je sais pas en fait. Donc, caisse d'épargne. Caisse d'épargne. Ouais. Le film caisse d'épargne. Ah. Non, retour en vrai, à la moi départ. J'aimerais bien faire un film de sport. Non. Non, non mais non. Mais non, mais un truc. Non. C'est comme. Non, non, rien. Comme. Un bio. Non. Amant l'arbitre. Un biopic de Antoine Griezmann, tu veux dire? Non, pas un biopic. Non, mais. Finalement, comédie musicale, c'est pas grave. Bon, allez, chiez-moi. Tous, vous me chiez tous dessus depuis le début. Après, on peut également faire la chose la plus compliquée pour les autres à suivre. C'est-à-dire que. Nous, ah non, on, bah après, on arrive parce on repart. Non, parce que nous, on fait partie nous aussi. Des autres. Ah oui, cela est vrai. Nous, on est commun à tous les groupes. Attendez, je suis en train de revoir, mais je crois que j'ai jamais écouté tout au podcast. Du coup, ça va être difficile de trouver un thème que. Il faut quelque chose de nouveau, il faut innover là. C'est pas grave si c'est déjà c'est fait. C'est un truc qu'on. D'accord, ok, les films d'horreur. Bah, allez. Non, les thrillers. Mais les thrillers. Allez, les thrillers. Ah, tu veux dire le truc qu'on a essayé? Ouais, de ouf, les thrillers. Thriller. Ah, un thriller. Bah, c'est... Non, le film par absurde. Contre, tu joues pas, du coup, parce que t'étais nul là dedans. Enfin. Je regarde pas de thriller. Sans préparer un thriller biographique. Moi, j'aime bien les thrillers qui se passent dans les pays froids. Ouais, mais on n'invente rien, du coup. Ah, un thriller qui se passe... On invite la biographie. Un thriller... bah, parlez entre vous et comme ça, nous, on ouais, parle de ouf. Non, Non mais un thriller c'est pas une mauvaise idée, mais si. J'aime bien les genres de thriller qui se passent genre en Islande, un truc hyper dépaysé. Oui mais c'est genre, pas il fait froid, il fait nuit. C'est pas ton idée en fait. Ouais genre c'est à nous en fait. C'est vraiment pas genre donc, ta décision. Bah je suis désolée mais non. Tu peux partir. Et bien, on peut du faire coup, parce un thriller attendez, parce en Nouvelle-Zélande. Moi je pense qu'il devrait en... encore parler dans plus un pays. Fort les gens, plus fort encore. Ah putain. On pourrait faire un thriller en Nouvelle-Zélande. Ouais. Moi j'aime et bien. En fait, pendant le tournage du Seigneur des Anneaux. Pendant le tournage du Seigneur des Anneaux. Mais tellement, mais en vrai tellement, ouais. Genre vraiment. Et il y a il s'est passé un truc pendant le tournage du Seigneur des Anneaux. Qui et en fait qui était resté caché. Il y a un gars qui est mort pendant le tournage. Oh c'est les, y a en un mec, fait c'est les gens qui filment du coup. Il y a un mec qui en fait, filme le dragon temps... c'est pas un vrai. Il y a un mec qui se rend compte en regardant le film qu'il y a un truc bizarre. On sait pas quoi encore. Et moi j'ai une anecdote. On écrit déjà le film en fait. Ouais là en fait on écrit. Attends, alors, moi j'ai une anecdote si vous voulez une vraie concernant le film, c'est que Aragorn à un moment il shoot dans un casque très lourd et dans la vraie vie il s'est genre vraiment très fait mal aux pieds. Oui. Et il est resté très fait mal aux pieds. Il avait mal aux pieds pendant longtemps après. Comme Tom Cruise dans Mission Impossible. Ok. Mais moi ça me semble bien un thriller pendant le tournage. Après je vous rappelle votre rôle. Pour l'instant c'est le setup, les personnages au début. Donc c'est un thriller en Nouvelle-Zélande. Et qu'est-ce que les personnages? Un thriller en Nouvelle-Zélande pendant le tournage de Seigneur des Anneaux. Ça c'est bien. Moi je dirais les personnages. Des fans obsessifs de la série. Genre des psychopathes un peu comme dans You, tu sais. C'est un partage entre soit les acteurs, soit les réalisateurs justement. Moi je vois ça comme des fans bizarres qui tournent autour. Il se passe un truc dans l'équipe de tournage, tu vois. Oui, et il y a des gens extérieurs qui arrivent. Voilà, ouais. Genre des fans obsessifs. Non mais un thriller c'est généralement une enquête. Théophile est perdu. J'étais en train d'essayer de. Mais du coup on enquêterait sur quoi? Hein? Un thriller on c'est enquêterait sur quoi du coup? Bah on en. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi les bananes? Mon appareil photo mais. Bah il y en a deux là donc. Tu tiens, tu peux me passer celui-là le Canon s'il te plaît. Ouais et là il est. Merci. Là l'objectif. Non il y en a déjà un dessus. Tac. ouais donc le thriller moi je dirais que ce serait avec Orlando Bloom car il est très beau. Oui bah forcément. Ah bah oui. S'il y a un thriller il y a Orlando Bloom. Mais Orlando Bloom as himself. Est-ce qu'on est d'accord, un thriller en soi, ça peut être un meurtre? Absolument. Oui. J'ai vu Zodiac, donc je sais que c'est oui. Oh. Alors, du coup, on peut dire qu'il y a un meurtre qui s'est passé au sein du tournage. Ouais. Du coup. Donc, et qui est resté ça regroupe, on va dire par exemple, un régisseur, là, genre Louis. Non, sinon, un acteur qui est mort dans le film. Il est mort dans le film. Ouais, en fait, non, il est parce qu'il faudrait bien qu'ils prennent les acteurs en même temps dans le truc. Ou alors il se passe un truc genre. Tué dans le film, mais également dans la vraie vie sans faire exprès. Oui, c'est ça, et ils ont essayé de couvrir ça. En le faisant mourir dans le film. Alors, moi, c'est vraiment très mort. Ouais. Genre Boromir quand il s'est pris genre 5 flèches. Ouais, mais du coup, ça veut dire que quelqu'un regarderait le film. Non, mais il y a en fait, le film parce que ça se passerait du coup pas pendant le. Ce serait marrant sur un figurant dans le fond qui meurt, du coup, c'est pas impactant. Mais ça reste un meurtre. Ok. Et du coup. C'est un meurtre pendant le tournage et il y a des enquêteurs qui arrivent. Ouais, genre pendant le tournage, ils font tous bon, c'est bon, levez-vous, scène suivante. Et il y en a juste un qui reste couché. Non, mais là on écrit le film, ça ne va pas. Ah okay. Oui, pardon. Alors, du coup, non, mais non, c'est un, pour regroupe... définir les personnages, c'est. Attends, qui est la non, personne non, qui se fait tuer? On doit la définir. Un figurant. Voilà. Il s'appelle Michel. Bah non, il s'appelle Michael. C'est le Brésil. Il danse à Michel, samba. Alors on a Michel. Michel Brésil, pardon. Michel régisseur. Non, c'est trop important, régisseur. Coup, c'est un figurant, quelqu'un régisseur. De nul. Il fait les deux parce qu'ils n'avaient pas assez de thunes. Donc, ouais, mais sinon, ils n'avaient pas de thunes. Ouais, personne. Okay. C'est connu. Bah, c'est vrai. Donc, Michel figurant. C'est son nom. Michel figurant. C'est un gars lambda. Il a gagné un concours et il se retrouve voilà. Là. C'est un fan des livres. C'est un fan qui a pu participer et il vit son rêve éveillé en Nouvelle-Zélande. À Hobbiton. Voilà. Et du coup. Mais malheureusement, sa vie va prendre fin. C'est ça. Au cours de son rêve éveillé. Wow. Comment Ah, mais c'est pas nous. C'est pas nous de le faire. Sauf que le problème, c'est que ça met en jeu, du coup, toute l'équipe de tournage. Ça met en jeu toute l'équipe de tournage. Et il y avait des potes de ce Michel qui étaient venus parce qu'il avait gagné ce voyage, il pouvait amener 2-3 amis. Donc il y a des potes qui étaient venus. Et on peut soupçonner un de ses amis d'avoir la rage qu'il puisse tourner dans le film Seigneur des Anneaux et pas lui. Sinon, ça peut être un des meilleurs amis d'un figurant très important de Seigneur des Anneaux qui, non, du coup, il était jaloux de lui et l'autre, il l'a tué. Mais non, mais justement, c'est le truc. C'est Michel, il a gagné un concours. Est-ce que j'ai mal compris? Parce que moi, je pensais qu'on crée des personnages là. Mais ouais. Sans dire ce qu'ils font, sans dire ah, non, mais il faut le background donc, des personnages quand même. Nouvelle-Zélande, Hobbiton, parce qu'il se Michel. Passe dans le film. Comment? Non, j'ai juste fait un récap okay, de Nouvelle-Zélande, Michel, Hobbiton, Michel. Michel, figurant, a gagné un concours. Voilà. Du coup, il est là comme ça. Ouais. à la fin, ils doivent tout se lever, mais lui, il ne se lèvera jamais. Voilà. Bref, je n'arrive plus à parler. Et il a ramené ses potes, genre deux, trois potes. Voilà. Vois, deux, trois potes, parce que dans le concours, ils ont dit, vous pouvez ramener Lucien et amis. Etienne. Allez. Voilà, Lucien et Etienne. C'est très sauf qu'on masculin. Sait que Lucien, il a une tendance à être assez jaloux, possessif. Donc, il a l'alcool colérique également. Voilà, Nouvelle-Zélande, tout ça. La nature, ça peut faire des choses. Et effectivement, la nature, ça fait des choses. Mais en même j'ai temps... J'ai tendance à dire que la nature crée plus de choses que beaucoup de choses. C'est ça. Wow, mais en même temps, on a vu que Michel, c'était quand même un fan très obsessif. Donc ça pouvait énerver certains acteurs aussi. Ouais. Il pouvait être très... Genre, il donnait des consignes aux acteurs. Voilà, alors... limite. Il donnait des conseils. Il genre, tu devrais fouillait, jouer comme ça. Il fouillait dans les loges des acteurs. Moi, je ferais plutôt comme ça. Attends, mais pour ajouter le thriller, il fouillait dans les loges des acteurs. Il a trouvé quelque chose qu'il n'avait jamais dû trouver. Il renifiait leur petite culotte. Attends, parce que là, on va trop loin. On va trop loin. Moi, je veux la situation du début. La situation du début, bah, c'est comme le début de All Inclusive, tu vois, où il va à l'aéroport, tout non, content. Pas... Non. Aborti de Michel, là. Quoi, t'aimes pas ce film avec Mr. V? Des collègues nous abandonnent après cette idée. Non, pour l'instant... On perd notre équipe. Ouais. Non, du coup, je... Ouais, du coup, à la fin de la soirée. Donc, ils arrivent, ils sont très contents, et ils ne savent pas encore qu'ils vont mourir. Non, qu'il va mourir. Mais si on en met plusieurs, c'est encore plus. En fait, non, mais attends, moi, c'est tout. Moi, ce que je propose, c'est qu'on voilà, on s'arrête là, on définit plus les personnages, et c'est le premier groupe qui va définir ce qui va se passer pour que ce soit un. Bon, j'aimerais quand même décrire voilà. Michel physiquement. Michel, oui, après, il est brun, après, chacun peut écrire son film est, dans sa tête. Le problème, c'est que là, si on continue, il est hétéro-bicurieux, très très. Il a l'alcool triste, il est très chiant, très chiant, Michel. Il est attachant même. La. T'as dit attachant ? J'ai dit attachant. Bah, peut-être crève, en fait. Moi, je propose. C'est pas faux. Ah, lol, tu aimes Kaamelott ? Mais. Bon, groupe suivant, du coup ? Non, mais non. Tu ne partiras pas. Elle veut vraiment se barrer ou quoi? Non mais toi tu peux partir. Lol. Si t'as envie de te barrer, quelqu'un peut te remplacer. Okay, hein. J'ai cru. Vraiment. Non parce qu'elle a failli enlever son casque et elle a toussé pour mourir en fait. Donc, oui. Ok salut je me casse. De la vie. Bah du coup on donc Michel est un figurant, il se retrouve mort et en fait c'était quelqu'un qui était quand même très obsessif par rapport à l'univers de Seigneur des Anneaux et il adore tellement les livres qu'il voulait absolument tout régler, tout arranger et il fouillait même les loges des acteurs parce que c'était un kleptomane, ok. C'était un klepto. Il a pu également être en colère quand un de ses personnages préférés est mort. Attends. Même s'il le savait. Ça se passe dans la suite. Oui, il a lu les bouquins quand même. Ça se passe, ouais, c'est ouais, en mais on peut ça, pas trop la... en parler. Vous n'avez pas le pouvoir ici. On peut pas trop en parler, tu vois, c'est ça. Faut juste établir la base. Il a genre, supprimé la mort d'un perso sur un scénar qui il traînait. Il a mis du blanco. Sur un scénar qui traînait. Ça, et c'est mort. Et quand ils l'ont vraiment tué, bah. Parce qu'en fait, il y a plusieurs scénars. Il n'y en a pas qu'un. Ouais. Non mais faut mettre juste la base parce qu'après ouais c'est comme dit Anto si on oui, va c'est ça, donc, trop loin donc oui, en, oui, les oui, personnages ouais. De base c'est Michel le fan de Samazano qui est figurant parce qu'il a gagné un concours. Ses amis Étienne et Étienne et Lucien donc il va d'ailleurs qui sont Étienne et Lucien parce que ça va être important pour ce qui va se passer après. C'est deux meilleurs potes geeks qu'il connaît depuis la première option théâtre. Ok. Ouais. Avec qui il a vu tous les films. Est-ce que c'est des dizaines de fois lu. Mais bah non, pas lu parce que là oui. C'est les premiers. Ah. Non, mais lu. Après il y avait des films. Des après il fait genre des soirées ouais, bah, quiz il... up. Ouais. Le Seigneur des Anneaux. Ouais. Des blind tests. Et il envoie des messages à Marc Hamill sur Twitter pour qu'il lui souhaite son anniversaire. Mais ça n'existait pas Twitter au moment du tournage. Dommage. Non. Mais il envoie des lettres par contre à Peter Jackson. Ouais. Du coup quand il a su que c'était lui qui allait réaliser les films, Pierre, il envoie des lettres. Pierre le fils de Jacques. Et quand il apprend du coup qu'il y a un concours qui se fait pour devenir figurant de chose horrible, il est genre, d'ailleurs. OMG, chose horrible. Faire un concours pour devenir figurant. Ouais. Ouais. Et c'est bah, un métier. Il saute hein. Sur l'occasion. Oh, pas... mais par contre, ses deux amis jouent aussi, mais eux perdent. Donc ah lui, oui, pour l'heure. Lui, il a le droit de les accompagner. Mais il a le droit de les. Il a, non, voilà, eux, ils payent le voyage. Il a le droit de les emmener. Non, mais non, par non. Contre, non, non. Ça va. Et oh. Bon, l'inclusive. T'as cru on pouvait. On ralasse les personnes pauvres. On ralasse pas tout le monde. Mais enfin voilà. Et du coup, bah, il débarque là-bas et tout, tout content avec ses potes. Du coup, de base, c'est quoi le but? C'est vraiment genre avoir une armure et figurer en troisième. Ouais, c'est ça. Mais t'as le plaisir d'être dans le film. Et il a une petite session de photos avec. Il a un meet and greet. Ouais. Ouh. Un meet and greet. Voilà. Meet and greet, je sais rencontre et congratule. C'est ça, hein, techniquement. C'est vrai. Très bien. On peut juste définir son personnage préféré pour son personnage préféré, c'est le jamais nom. Vu le Seigneur des Anneaux. Oh oui, c'est le Gimli. Gimli. C'est donc John. Je veux dire Ghibli, qui a un studio. En tout cas, je suis content qu'on parle. Vous savez que je l'ai vu en vrai, le nain. Le, il est petit. L'acteur. Ouais. Bah oui, il est pas grand. Il est pas très grand. Non mais. Mais c'est pas. Non c'est... mais. Moi, je vais vous. J'ai laisser. Pas les. Mais Mathilde aussi. Ça tombe bien parce qu'en fait, c'est la fin. C'est la fin de ce groupe. De merci vous. À tous. Bravo le premier groupe. On va devoir tout réexpliquer en off pour ceux qui n'ont pas suivi. Et on va accueillir le deuxième groupe. Au pif, ça va être Alexis et Adèle. Je m'assois. Bah non, il y a lui. Ah, Louis, pardon. Oui, il y a moi avant parce que je ne sers pas à grand chose dans le podcast, mais je tiens ma place quand même. Alors, est-ce que tu as suivi Louis? J'ai compris. Dites-moi si c'est bon, mais j'ai compris du coup que c'était un thriller. Oui. Avec des personnages qui étaient en Nouvelle-Zélande sur le tournage du Seigneur des Anneaux. Voilà. Exact. Et c'est tout. Parce que là, c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Moi, le vrai souci que j'ai actuellement, c'est le problème de la société intérieure nuit. Ah, mince. Nous l'avons vu dans le dernier épisode, ça va mal. Ah bon ? Les temps sont difficiles, l'audience chute. Ah, oui. Ah, ok. Tout va mal. Alors, moi, je vous propose quelque chose pour venir prochain. À bout de ça. On va faire, pour le prochain groupe, je sais pas comment on va dire ça, une partie de film, un développement. C'est quoi ? C'est le développement ? Là, c'est l'acteur 1. C'était la première scène, acte 1, les éléments du coup, de YouTuber. C'est-à-dire qu'il va falloir faire du putaclic et on va faire des placements de produits. Je vais en imposer au moins 3. Dans le film ? Trop ouais. Bien ! Ah, j'adore ! Je vais en imposer au moins 3. Le premier, ce sera NordVPN. Le deuxième. Ils aiment, c'est Lord Mobile. Lord Mobile. Raid Shadow Legends. Non, pas Raid Shadow Legends. Ah non, justement. Pas jeu de suite. Le prochain, ce sera la marque de vêtements InShape de Thibaut InShape. Ah, voilà, donc je vous laisse avec ça. Du putaclic et des placements de produits pour le prochain groupe. Ok, attends, je vais les noter sur mon ordinateur pour pas voilà, les oublier. Voilà, note. Et plus un truc putaclic. Ouais. Donc, formidable. Donc ça c'est voilà Louis qui vient nous donner des petites contraintes. Voilà, si vous arrivez en plein milieu du podcast, on vous explique. Personne n'arrive. On n'est pas en live en fait. Ah, oh, cette blague n'a jamais été faite. Prochain groupe, on va appeler. On va appeler qui? On va Alexis appeler et Alexis Elsa. Et Elsa. On applaudit tous. Applaudit. Elsa. Mais le film, la pauvre. Petit message du Antonin du futur qui vient de monter l'épisode. En fait, on n'a pas réussi à enregistrer l'acte 1 d'Alexis et Elsa. Donc, il nous manque toute une partie du film, ce qui est très compliqué à faire, à réenregistrer. Hein. Donc, ce qu'on va vous faire, c'est qu'on va vous mettre le résumé qu'on a fait à Louis pour qu'il nous donne les contraintes pour l'acte 2, juste là, hein, pour résumer ce qui a été dit. Et c'est bien dommage, par contre, que vous le loupiez déjà pour Alexis et Elsa, qui sont venus un peu pour rien, même s'ils ont passé un extrêmement bon moment. Mais surtout parce que vous avez loupé la blague sans doute de la terre du siècle qui alliait une critique de la boulangerie et de la politique française. C'est bien dommage, je suis très triste que vous ne l'ayez pas entendu, mais bon, on la refera à l'occasion, par-ci par-là. Et après tout, que serait un épisode anniversaire d'Intérieur Nuit sans problème technique? Eh bien, je pense que ce serait un bon épisode, ce qui n'est pas le cas d'aucun épisode d'Intérieur Nuit. Voilà. Bon, sur ce, je retourne pleurer en me disant qu'on a raté l'épisode de notre vie. Et voilà, je vous laisse profiter de la suite. Allez. Michel, Étienne et Lucien, qui sont des. Donc Michel a gagné un concours pour être figurant sur le tournage de Seigneur des Anneaux en Nouvelle-Zélande. Et Étienne et Lucien sont ces deux potes geeks. Ils sont pas du tout clichés, ils sont plutôt banals, un peu beaux gosses limite. Banals. Mais quand même geeks. Il y a un meurtre, donc il y a des trucs. Voilà, il y a en fait un de ces. Pendant qu'ils sont sur le tournage, il y en a un qui est resté au Airbnb et qui est retrouvé mort quand ils reviennent d'un coup de couteau dans le ventre. Un des geeks. Et ils appellent une détective privée qui est méga bonne, on n'a pas encore son nom, qui est méga bonne, super pulpeuse, qui s'habille tout de rouge vêtu, etc. Donc là, on en est là pour l'instant. Alors, Louis. Louis qui a bien écouté, qui a été attentif. Tout le podcast. Ouais. Et qui n'a pas du tout dû faire de rappel. En off. Hors antenne. Non, mais je montre les ficelles. Franchement, les gars, vous êtes cool, mais il y a certains moments, enfin, vous êtes lourd un peu. Ah, donc, putain, c'est pas sympa ça. Je sais que c'est pas cool, mais il faut dire les choses comme elles sont. Donc j'ai décidé que pour le prochain groupe, vous en auriez pas votre mot à dire. Genre, on a rien, on doit pas parler. Vous pouvez faire des vannes si vous voulez, etc. Ah. Mais vous n'aurez pas votre avis. Enfin, ce sera Tanguy et Yann qui décideront, et point, c'est tout. Putain, bien wesh. Ouais, Albat. On inverse un peu les rôles et. Ok, donc là, littéralement, je suis là que pour faire des vannes. Exactement. Okay. Et moi non. Moi, je suis. Moi, là. J'écoute. Du coup, je vous souhaite un bon acte 2 des Gilets jaunes. Merci. Attention, parce qu'on a 54 après. Bon, eh bien, on va accueillir maintenant à la table Tanguy et Yann. Bonsoir, Tanguy. Bonsoir, Tanguy. Bonsoir, Yann. Bonsoir, Yann. Vous êtes déjà là. Salut. Bonsoir, Lyon. Bonsoir, Paris. Yeah. Je sais pas si vous avez remarqué. C'est pas du tout gentil. Mais les profs. les grèves. Oh, les grèves. On est d'accord. Eh, ça. Ouais. Donc ça... nous on a le droit de, on n'a pas le droit de donner notre avis sur l'histoire que vous allez raconter. OK, et nous d'accord. On a plus de contraintes. Ouais, la seule contrainte c'est pour nous. Okay. Voilà, donc vous êtes mais tranquille. Mais il faut quand même continuer à placer deux trois fois NordVPN leur mobile et Inchip. Est-ce qu'on peut rappeler où ils étaient placés avant Oui, parce que vraiment. Toutes les personnes sur le plateau sont habillées en Team Inshape. Oui, donc ça, ouais, ok, d'accord. Pour se branler, Marcel utilise NordVPN pour Michel. Okay, oui. Et le gars qui est mort est retrouvé avec son téléphone sur Lord Mobile. Voilà. Ok, d'accord. Donc pour l'instant, j'avoue que, à part Inshape, ça met pas en valeur le produit. Même Inshape, c'est. Bah, non, t'imagines tout, c'est stylé. Vrai, c'est une équipe de tournage habillée en t-shirt moulant. C'est stylé, Peter Jackson qui porte la marque de vêtements. Mais c'est stylé. En vrai, NordVPN il fait son taf, donc en soi, on le met en valeur. Ouais, hein. Il s'est pas fait choper. vous voulez vous branler sur de la pédopornographie NordVPN. Allez. Ok. Donc, nous, on a rien à dire. Donc, juste, je vous rappelle que on a quand même dit juste avant, avec l'autre groupe, que ce serait bien de caler 2-3 références à Cluedo avec l'inspectrice. Okay, oui. Puisque à la fin ça doit être le colonel Moultardre. C'est Mademoiselle Rose, c'est officiel. C'est genre, quoi? C'est Mademoiselle Rose, c'est officiel. Ouais, j'ai décidé. Bah, apparemment, ouais. Ouais, okay. J'ai décidé. Donc, t'as déjà cassé la première règle que tu Non, mais j'avais décidé avant. D'accord, okay. C'était avant. Ouais. Donc on vous laisse discuter, puis on va après, faire un si petit cas. Si vous voulez la changer et qu'elle devienne quelqu'un d'autre, je ne peux rien dire. Ouais. Il est par un revirement. Et en fait, elle enlève son masque. Fantomas, c'était toi. Fantomas. Scooby-Doo. Non, c'est Fantomas. En vrai, Go, elle enlève son masque. Genre, elle est archi bonne, mais d'un coup, elle enlève elle son masque. Putain, en fait, mais on peut rien dire. C'est Colonel Moutard depuis le début. C'est quelqu'un d'extrêmement gros, très vieux. Et en fait, du coup, c'est direct un suspect. Oui. Quoi c'est le Colonel Moutard, c'est un suspect à la base. Hein. Bah, oui. Ah ouais. C'est sans que le mec. Ah, attention, parce et que au moment où elle enlève son masque, elle a un chandelier dans la main. Et donc du coup, c'est un suspect. Non, c'est pas moi. Et du coup, ils sont. Attention, parce que là, on est j'ai un ennemi. J'étais au cinéma. C'est Christina et Noémie qui vont devoir écrire la fin. Voilà, mais c'est pas encore à vous. Elle arrive, mais tac. En fait, c'est le Colonel Moutard. Ouais, donc en fait, ouais, ok. Bah, c'est à vous d'écrire, hein. Nous. Oui, bah, ça va, 30 ouais, secondes, ok. Pour raccrocher un peu les wagons, enfin, c'est pas si évident. Quoi, tu veux qu'on t'amène un petit thé, un petit café, un petit kawa? Un petit kawa, ouais, petit allez, kawa. Ça part. De 1 ou de sucre? Je prends pas de sucre. Ouais. Le gars est. C'est vrai que la proposition 1 ou 2 sucre. Ouais. C'est pas super tolérant. 1 ou 0 sucre. Bah, réponds! 3 ou 8 sucres? Déjà dit. Que ça, je n'ai que ça. Tu pourrais boire de l'eau du ou rien. Ok, et donc, rien. Allez, on est d'accord, il y a un mort par terre. Le mort, il a déjà été retrouvé. C'est ouais, ça, depuis longtemps. Okay. Et du coup, ils appellent l'inspectrice, parce que là, il est à l'hôpital, on va dire. Ok. L'hôpital. À la mort. Mais il est mort, quoi. C'est là où on réanime les morts. D'accord. Vous pouvez encore y arriver. Non, c'est moi, il est mort. J'ai oublié les persos principaux. Désolé. Donc alors, du coup, il y a plus que deux morts, geeks. Il y a plus que deux geeks parce qu'il y en a un qui voilà, est mort. Voilà, c'est ça. Et c'est trois geeks. Et le mec qui est figurant, c'est ça. C'est ça. Il reste Michel et Lucien. Étienne est mort. Ah merde. Ok, donc j'étais tellement impliqué avec lui, émotionnellement. C'était mon préféré. J'ai une telle connexion avec lui. Ouais, putain, c'est super. Ouais. En plus, vous avez aucun critère à noter. Donc on pourrait partir sur. Est-ce qu'on garde vraiment cette idée de on enlève le masque direct? Franchement ouais. Bah, ok. Il est pas fan. Donc il voit la meuf bonne arriver. Est-ce qu'on fait ok. On fait tout un plan du coup parce qu'elle vient d'arriver. Ouais. On s'est arrêté à là. elle arrive gros, sur, ouais, sur le set, quoi, comme on dit chez les techos. Sur le set, ouais, elle vient voir Michel et l'autre, je sais plus comment il s'appelle. Et donc, on pourrait faire un gros Lucien. Plan ultra, tu sais, cliché, en mode genre, la meuf est ultra bonne, arrive ouais, sur le set et tout. Avec, elle est en train, de, et puis... Alors attention, il est pas mort sur le set, le gars. Hé, hey, hey, critique Airbnb. Ou pas, t'as pas le droit, ok. C'est mon émission. C'est les règles, non, tu peux pas, arrête. Oui. Mais donc. Non, là t'as dit quelque chose, t'as pas le droit. Pardon. Voilà. On a le droit de parler. Oui, on a le droit de faire des. Donc, ouais, donc un plan où. Et puis merde, hein. Eh, hey, ça va là. Non, merde à la fin. Quand même. D'ailleurs, elle a des implants ou pas? Elle a des implants auditifs, ouais. Elle a un problème d'oreille interne, et du coup, ça la. Enfin, bref. Ça me va. Tout est un bordel. Mais du ça coup, la fout mal, hein. Ah, ouais. Donc. Et elle arrive sur le. Ok. Ouais. Là, qu'est-ce qu'ils se disent dans leur tête? Vu que c'est. Oh mince alors. Parce que du coup, c'est des... Zut. Waouh. Nous sommes suspectés. Ouh là là. Oh mon dieu, cette femme est jolie. Bah, ils bandent en fait, tout simplement. Les deux, quoi. Oui, c'est ce que ça veut dire, non? Donc, ils expliquent un petit peu toute l'affaire. À la meuf bonne. Il n'y a pas grand chose à expliquer. Il est mort. Il est mort. Il est mort, oui, mais... en jouant à l'endroit. Vous avez... C'est important. Vous n'avez pas d'autres indus? Non. Indus. Vous avez des indus? Enfin, peut-être. C'est un mec qui fume des roulés qui demande: vous avez des indus, les gars? Et donc, du coup, ouais, ok. Donc, elle note un peu tout. Ouais. Et voilà. Après, elle peut faire un truc en mode: bon, ok, c'est à moi de régler cette affaire. Et en réglant cette affaire, elle enlève son masque. elle enlève son manteau, elle pose son masque. Ils disent: mais est-ce que vous n'êtes pas du tout Madame Rose? Et ils se retournent. Et il y avait tout jaune vêtu, du coup, maintenant, puisque c'est Colonel Moutarde. Colonel Moutarde. De ses jalons militaires, puisqu'il était colonel. Dans l'armée. D'où le nom, d'ailleurs, de Colonel Moutarde. Ouais, ouais. On lui attribue, oui, il a les fameuses guerres de Verdun. Et du coup, il prend. C'est une bataille, non? c'était voulu. Il devient suspect, donc. D'un coup, il pense: oh merde, c'est lui. Il dit non, mais oui, du coup, il voit le. Ouais, mais eux, ils sont pas détectives. Eux, ils sont pas détectives, mais est-ce, qu'ils mais est-ce que quand tu joues au Cluedo, oh, t'es détective? Non. Pourtant, tu peux poser des. C'est comme Jumanji, en fait, tu joues au jeu, mais tu deviens le métier. Et du coup, c'est ça, moi j'ai eu un diplôme de détective. Du coup, avec son chandelier dans la main. Ouh, il le pose. Oui. Ouais. Et là, que, du coup, c'est un des deux noms. Michel. Michel. C'est le Brésil. Il lance ses dés. Il a fait 3, donc il peut aller dans la cuisine. Ah. Il va dans la cuisine. Et la cuisine du set. Comme dans le film de Alain Chabat sur Noël, où il doit faire un double pour sortir de prison. C'est Santa. Exactement, ouais. Santa et compagnie. Et bah, on pourrait dire qu'il fait ça. Allez, et on refait le film. Et du coup, il arrive. On refait le film. Il arrive dans la cuisine, qu'est-ce qu'il fait? Bah déjà, il se fait un petit casse-croûte. Je vous propose. Oui, ouais, un sandwich. Un sandwich à la moutarde. Que de la moutarde. Allez, c'est plié. Donc il se fait un petit sandwich à la moutarde. De Dijon. Mais non, on est en Nouvelle-Zélande. C'est de Dijon. Oui, il y a de la moutarde de Dijon, hein, tu sais. Le Amora, c'est intercommunal. Salut à tous. Merci. Ça y avoir des gens. Il a 13 ans. T'as 13 ans, mec. Mec, t'as 13 ans. Et du coup, il a fait son sandwich. Est-ce que moi je te propose, dans son sandwich, il commence à le manger. Pourquoi? Il y a son pote qui vient de mourir. Et il y a un indice dans exactement. Et il tombe sur un truc. Il tombe sur un truc. Alors que c'est lui qui l'a fait, le sandwich. C'est vraiment tout un, vu tout un plan super long de lui qui prépare le sandwich. Et première bouchée, bah, c'est quoi ça? Il sort une épée. Tiens, qu'est-ce que c'est? Une épée. Une épée comme dans le chapeau dans Harry Potter. Et du coup, il sort une épée de son sandwich, tu vois. C'était pas là avant. C'est ça. Marrant, c'est pile la taille de la blessure de la victime. Regarde, si je le remets dans son corps, c'était ça. Ah, il y a mes empreintes désormais. Zut. Et du coup, là, il a. Et là, c'est un coup monté parce qu'il a mis ses empreintes dessus. Et ça y est, il est suspect aussi. Et donc là, il y a l'autre. Mais c'était quoi son nom déjà? Il y a Michel et Lucien. Lucien. Bah, Lucien, c'est à son tour de jouer, du coup. Et du coup, il y a deux suspects maintenant. Il y a Colonel Moutarde et. Mais Michel. Du coup, attends, mais le détective privé, il est lui-même. Bah, il n'y a pas de détective privé en fait. Non, mais le détective masque, privé, en fait. Il est en train de dire. Mais le colonel, il est dans le salon là. Il est sur le set avec Lucien et le colonel Moutarde maintenant. Ouais. Et du coup, il commence à te dire: oh mon dieu, genre, tu sais, les plans où t'as plein de chiffres mathématiques, de ouais. machin. Comme dans. Genre, wow. Il vient de découvrir The Hangover. Very bad trip. Zagalafinakis. Exactement. Wow, tu l'as dit très vite, mais très mal. Mais non, c'est très bien dit. Zagalafinakis. C'est un personnage de Astérix. Zag Salakis. C'est un personnage de Astérix, non? Galafinakis. Allez. Le prochain de Guillaume Canet, il y aura lui. Oui. Oh. Panoramix. Vous avez vu Guillaume Canet, Astérix, Gilles Lelouch, Obélix. Exactement. Horrible. C'est ouais. Immonde. C'est quoi la différence de taille entre les deux? Bon, 5 cm. dans les BD, à mes yeux, c'est ça. Donc là, ok, donc il y a le détective privé. Il y a l'épée dans le sandwich. Avec tout le set là. Perdu. En fait, c'est full une comédie maintenant. Et du coup, t'as. Parce que c'était quoi l'ambiance avant? C'était un thriller en fait. Un thriller. C'est toujours un thriller. Je te rappelle qu'il y a une épée dans un sandwich. Et quelqu'un qui enlève un masque. Il y a une épée dans mon sandwich. J'ai préparé les sandwichs pour le repas de ce soir. Et du coup, exact. Une ref. T'as Lucien qui se déplace, qui va aussi dans la cuisine. Mmh. Ouais. Pourtant, il avait pas fait de double 3. Donc. Non, mais parce qu'il s'arrête, peu, parce que c'est. Il utilise les indices de Michel. J'ai jamais joué à Cluedo, donc. Mais quoi? C'est un jeu. T'as pas de culture en fait. C'est pas important. Non, mais du coup, je pourrais pas vous dire si ce que vous dites est vrai ou pas. Mais du coup, de toute façon, spéculation. Il voit Michel avec potentiellement l'arme du crime. Ouais, il dit quoi? Toi? Alors voilà. Que. Toi? Tu. Et là, changement de plan, on arrive sur complètement autre chose. Ouais. Tu vois, genre une autre situation, une autre séquence de ailleurs, ce qui se passe pendant ce temps. Pendant ce temps, à Bangkok. Et pendant ce temps, ouais. Pendant ce temps, dans une forêt très loin. Et il n'y a rien. Si. C'est une forêt. Mais je t'aimais, Patrick. Il y a Bambi qui meurt. Il y a Bambi qui meurt. Non, c'est une idée. Non, l'idée. Mais c'est une intrigue amoureuse. T'as une interlude pendant ce temps, quelque part, et il y a un autre film qui se passe. Et t'es au climax du film. What's in the box? On était fait pour être ensemble, je te dis. Et ça, on s'en fout, ça passe à autre chose. C'est la fin de 500 jours ensemble. Autre part. Ok. Donc voilà, nouvelle séquence, on avance un petit peu et enfin, on avance pas du tout. Ah, si, c'est bah, ça va, 10 minutes. Ah oui, d'accord. Attends, au niveau de la durée du film, c'est bon. Pour avancer dans un scénario de film, mettez des autres films. Exactement. Ouais. Et là, bam, un T-Rex. Et là, on revient. C'est mon idée, ok. On revient. Spider-Man m'a tout volé. On est d'accord, Louis, il nous a pas donné de contraintes pour nous. Non, pour vous. Non, nous, okay. on doit rien dire. Faites un peu des petits placements de produits pour NordVPN. Exactement. Ouais. Et là, du coup, on a un marcheur NordVPN qui vient sonner à l'appart. Un marcheur? Non, un démarcheur. C'est le mec. Enfin. Putain, ils vont super loin maintenant, ça, NordVPN. Ouais. Ils vont faire des placements de produits dans ton salon. En fait, je vais interrompre tes films. Avec NordVPN. Mais non, mais ils ont vu les trucs. Ils ont vu les pulls de la Team Shape. Donc ils ont dit, putain, il y a un youtubeur. Hein. Faut absolument qu'on lui demande. Ah oui, trop bien. Tu veux pas faire une vidéo avec nous? Tu veux faire une vidéo, mais je suis pas Team Shape. Bah si, t'as le pull quoi. Donc à mes yeux, tu veux Team Shape. Puis j'ai le même physique littéralement. Donc non. Puis je pensais à Peter Jackson que j'ai dit ça. Bah oui, il a peu le physique de Thibaut Inchep. Il est barbu en plus. Et donc, cet indice, où est-ce qu'il mène? L'indice, je pense, du coup, Michel, il veut essayer de le planquer. Parce que du coup, il devient suspect, mais. Suspect numéro 2. Parce qu'il a l'arme du crime. Ouais. Et que Lucien l'a vu. Du coup, est-ce qu'il essaye de se débarrasser de Lucien? Est-ce qu'il essaye de le mettre dans le coup? Est-ce qu'il plante le truc en mode non, j'ai... Moi je pense qu'il faudrait qu'il y ait. Non, bah, moi, je donne juste devient, un avis. Il devient acteur principal vu qu'il a une méga épée. Parce que c'est pendant la scène de bataille, il se fait poursuivre par Lucien. Pour Frodon! Ah, quand ils vont tourner? Il se fait poursuivre et il rentre dans la bataille. Et du coup. T'es passé de 53ème rang au 4ème rang. C'est ça. C'est une énorme promotion. Ouais, c'est ça. Non, mais t'as mec, t'as une épée, bah ok. Acteur, vraiment. Fais-moi la colère. C'est ah, sûr qu'ils, ok. Ils avaient pas vraiment d'argent pour acheter des épées pour le Seigneur des Anneaux. Non, bah non, ils avaient 43 paires de raids. Ils avaient pas du tout des épées. Ils ont tout quoi. Dépensé dans les raids. Hein. Ouais, tout. Donc mais carrément. Carrément, bah voilà. Du coup, il essaye de. Par contre, si je peux me permettre, vas-y. Vraiment, le truc du Colonel Moutarde. Il viendra peut-être plus tard. Oui, parce que je sais pas où on va, mais. Bah, nous, on a une idée d'où aller, mais on n'a pas le droit. Mais vous avez pas le droit, exactement. Louis qui nous dit c'est vrai. Effectivement. Mais donc, comme si on était connectés, mais moi, je sais pas. Hein. Mais genre, il y a une connexion d'autre, on est un peu potes. Tu non peux au moins faire semblant pendant qu'on enregistre. Non. Et la magie du ciné, putain. C'est pas du allez cinéma, c'est de la radio. Mais du coup, ouais, moi je propose, quand on revient du coup de pendant ce temps dans la forêt, pendant ce temps machin, oui. On revient sur le plateau de tournage. Et justement, là ouais. Où t'as Michel avec son épée, on lui fait hey « Eh mec, t'as une épée, deviens l'acteur principal. Mm. » Et du coup, lui, je sais pas, il se dit en mode « Mon épée, tiens, elle a un petit peu de sang au-dessus, mais je vais essayer de tuer des gens dans la scène Ouais. Pour essayer que ce soit un autre sang pour pas qu'on m'accuse. Mais du coup, il bute vraiment quelqu'un d'autre. Ouais, mais du coup, il est pas suspect pour. Oui, alors, du coup, vu que c'est dans le film, les gens sont. Ah, je vais tuer 6 autres personnes. Tu sais, il bute quelqu'un. Comme ça, je serais pas suspecté d'un autre. Non, mais il bute quelqu'un, tu sais. Et vu au Seigneur des Anneaux, il y a vraiment beaucoup de monde. Ils sont en mode, waouh, putain, il s'implique vachement et tout. Et donc, le comédien, tu sais, est à terre en train de pisser le sang. Putain, mais mec, il avait carrément les pastilles et tout. Vraiment, c'est ouf, quoi. Et tout le monde commence à l'applaudir, les mecs qui chialent. Et puis lui, il est en train de se vider de son sang. En plus, il y a sa fille qui est là, en train de regarder, son et père. Et qui applaudit de... aussi. Oui, qui est là, wow, papa, ouais, tu vas avoir un Oscar, on va aller à Hollywood. Et ouais, et donc. Sortir de la Nouvelle-Zélande, putain. Et voilà. Et je sais, ouais, je sais. Mais Lucien sait d'où vient l'arme. Oh. Ah ouais, bah il fait, forcément. Il fait un regard sourcil en mode. Genre dans le coin, comme The Rock. Ça prend pas avec moi. Il est justement, lui, il est resté figurant. Bah, tu vois, Jean Dujardin. Non, il est pas figurant, lui. Il est même pas figurant. Mais il fait ça. Ce okay, même ouais, regard-là. Il devient figurant. Ah, parce qu'ils sont. Bah, du coup, vu qu'il a une promotion, il faut un figurant. Oui, il faut un remplaçant. Et du coup, lui, il est. Comme au foot. T'as lu ça. C'est 3 par match. Il y a l'obsession du foot. Griezmann. Très aigué. Mbappé. Waouh. Kamel Wally. Et... donc, du coup, il y a eu un figurant en moins, mais du coup, il y a une place pour Lucien. Voilà, et lui, il est là dans le décor, dans le fond, il voit tous ses potes figurants en train de se faire décapiter. Ouais. Et lui, il est là, il mais sait. T'as tout le monde qui est un peu bloqué sur le mec qui est en train de faire la performance de sa vie, tu c'est vois. C'est ça. Et t'as Lucien qui dit non, mais Lucien, moi, ça prend pas, mec. Ouais. Je sais. Je t'ai vu. On se connaît depuis tellement longtemps. Ça fait longtemps. Je sais quand tu tues vraiment quelqu'un. Et là, je t'ai déjà vu tuer vraiment des gens, t'étais comme ça, pareil. Exactement pareil. Là, il fait une recherche sur son téléphone. Par mégarde, il ouvre. C'était Fox. Quoi l'application NordVPN. L'ordre mobile. L'ordre mobile. Tu sais, il glisse. Et il ouvre l'ordre mobile. Il fait c'est oh merde. J'ai bougé votre cul, merci. Ça marche. Donc, et il ouvre sans faire exprès, genre l'ordre mobile. Hop, oh non, bah du coup, il referme mes placements de produits. Voilà. Voilà. Il va sur internet pour chercher, genre, comment dénoncer un pote. Tu sais, il clique sur. Eh bien, c'est très simple. Il clique sur le bouton j'ai de la chance, tu sais. Ah oui. Il fait et ça le dit direct. Comment dénoncer un pote? J'ai de la chance. Et là genre direct il a sur le truc d'Interpol et tout, enfin. Ouais. Il va sur le site de Interpol et il dit il y a déjà tout. Il y a un meurtrier, on arrive. Interpol c'est le FBI quand c'est pas un film américain. C'est ça. Alors ouais, qu'ils ont pas d'agent en fait. On est bon. Ils ont pas d'agent. Non, juste les Interpol ça a pas d'agent. Mais dis-moi, tu vas regarder Cross toi, non? Mais non, mais c'est la vérité en fait. Oui, mais... Bah dans Death Note si. Ouais. Mais Death Note c'est pas c'est vrai. La vie. Pardon. C'est le monde, OK. C'est l'œuvre. Et le monde ou rien. Comment c'est loin. Bon, allez. Allez. Fallait passer. Mais en vrai là on est allé pas mal là où on a là où je pense qu'il manque la fin puis et je pense et que comme on dit dans l'ordre mobile, du coup il y a des épées. Ah ouais. Mais... Attends. Il y a un code créateur sur l'épée. T'as un mouet déjà. Code créateur. Non, code créateur et t'as l'épée gratuite si jamais tu te connectes avec Team Shape. Voilà. Et du coup, le mec avec l'épée dans le jeu, il tue quelqu'un. Et du coup, il montre à tout le monde, regardez, il a fait pareil que le mec dans le jeu, donc il l'a tué quoi. C'est pas un. C'est il mime, pas, il a pas le droit c'est de pas le un dire. Film. Il c'est mime. Pas... c'est un time's up le truc. C'est très visuel comme blague, mais le mec il fait. Hey regardez, là il se plante. Attends, il se plante avec regarde. L'épée. Ouais, là il se plante avec une épée de Turin, plusieurs fois. Wow. Ah, là il se bat. Stock. Spider-Man. Là il se chute vite. D'accord. Là je me suis emballé dans mon mime. Dans mon mime. Très bien. Mais du coup, dans voilà, ton mime qui est d'ailleurs une insulte. Dans ton mime. Et du coup, ouais, moi je propose un petit climax qu'il va falloir amener à l'aide. Et surtout qu'en plus, tu vois. Vu qu'il est sur un plateau et qu'il est figurant, donc un peu rang d'esclave, personne le prend trop au sérieux. Donc c'est tout ça. Il faut qu'il aille, il faut qu'il dénonce, tu vois. Mais personne le croit, tu vois. Les chefs-op, ils ont dit j'ai pas le temps. Du coup, il a servi sa dénonciation sur un plateau. J'ai un T2, quoi, tu vois. Il joue si bien, incroyable. Il peut pas être suspect. Oui. Et t'as Peter Jackson qui le croit pas. Il dit mais non, mais attends. Même t'as. Comment il s'appelle? Pablo Hernandez. Viggo Mortensen. Oui. Qui a joué à Aragorn. Oui. Qui a fait pas plein de trucs où, genre, tu sais, il s'est pété le pied. Il s'est pété le pied sur le tournage et tout le monde a cru que c'était, genre, vraiment. Un vrai jeu, t'as Viggo Mortensen qui dit mais non mais attends mais j'ai fait pareil, hein, je sais ce que c'est, attends, je suis quand même un grand acteur tu vois. Et donc ça c'est à peu près tout ce qui se passe avec Lucien, si je me dis pas de ouais c'est Lucien, c'est ça, qui essaie de dire tu vois et Michel qui doit essayer de, quand même de dire à Lucien arrête tes conneries, je sais pas moi qui l'ai tué quoi, c'était dans mon sandwich, enfin à la ouais, base non, c'est ça, pas, c'est une arme pas de ma faute dans mon sandwich, ça peut pas être moi le coupable. parce que j'ai vrai, je vais pour de vrai. Il a vraiment baillé mais bah, tellement toi, en fait. Fort. Mais non, mais c'est pas parce que je m'emmerde, je me casse avec le micro. J'ai jamais vu une bouche aussi ouverte. Moi aussi, j'ai déjà vu une bouche aussi ouverte. Au grand ouvert. Moi aussi. Bah, je suis gêné. Ouais, les... OK alors. C'est pas les mêmes soirées avec des micros mais c'est les mêmes. C'est pas les mêmes micros. Mais oui, et du coup, moi je propose on passe le relais là-dessus. Sur quoi du coup? Que t'as Lucien. Que t'as. Qui essaye. Que t'as. De... Je l'ai. T'as Lucien qui essaye de convaincre tout le monde que Michel. C'est le, et du coup, c'est on leur balance vraiment la patate chaude de Colonel Moutarde. Qui... Ouais, il ouais, y a le Colonel Moutarde qui est encore suspect. Mais du coup, il peut remettre son masque. Mais de toute façon, justement, c'était à la fin qu'il fallait. C'est ça, c'est. Michel, il fait, mais non, mais moi, mon épée, je l'ai trouvée dans mon sandwich quand je l'ai fait. Sandwich. Un sandwich. Coup, un sandwich. Oui, bah c'était un sandwich baguette. C'était un grand sandwich, quoi. C'est... La F1. Le bon sandwich, quoi. Le vrai sandwich. Oui, bah pas le sandwich de supermarché. Oui, effectivement. Ça, bah non, celui-là, oui, faut se. Ouais, bah faut oui, bah oui. Tu te fais un peu plus chier à le faire. Donc oui, bah oui. 7,50, bah oui. C'est pas 8. Bah oui. C'est ouais, t'as pas le menu, quoi. Bah oui. Mais du coup, il reporte l'attention des gens un petit peu sur le colonel Moutarde. Oui, tout et à là, fait. Et là, t'as un petit truc. Il va falloir. Mais qui est-il? Parce qu'ils sont que deux à l'avoir. Là, il trouve un oiseau. Et un oiseau qui a plus de bouche, de bec, etc. Wow. Et Michel il dit mais où est le bec? Michel Houellebecq. Je l'ai. Oh. Ah, je pensais que je partais sur un autre film. Genre, et là il s'assoit sur un banc et il croise un mec pendant avec ce temps-là à Tokyo. Mais ce serait Forrest Gump ou Michel Houellebecq? On n'avait pas encore mentionné, si. Comment? Bon. Non, on n'a pas encore parlé de Forrest Gump. Merci Yann. Ah bah oui, maintenant c'est fait. Obligé. Voilà. Puis il y a une plume qui. Bien, bien, bien. Bon, et eh ben. C'était formidable. C'est fouillis. C'est fouillis pour l'instant. Mais. Mais sans déconner, on a aucun. Personne nous remet sous les rails. On va. Mais on n'a pas le droit. Et bah oui, bah justement. Bah, et bah peut, en fait. On peut s'applaudir. Hein. Bravo. Ok. Je suis bloqué. C'est bon, je t'ai débloqué. Hop, grâce à ma magie. Waouh. Ma main magie. Et on va pouvoir passer à la dernière contrainte de Louis. Et à la dernière partie de l'émission de Christina et Noémie. En train de tout faire en mime. C'est pas encore à vous, les enfants. Salut. Allez, dégagez maintenant. C'est gentil. Cassez-vous. Bisous, les enfants. Vilain. Cassez-vous. Vilain. Et faites de beaux rêves, c'est ça le plus important. Alors, Louis, peut-être as-tu des. Pour la suite. Comment on dit déjà? Les contraintes. Des contraintes. Antonin ne fait plus partie du podcast, ça y est. Peut-être as-tu des contraintes à nous. Il souffle dans le micro. Non, mais enfin, ça va pas en ce moment. Enfin, je suis pas heureux d'être là. Déjà, Bah je suis la pièce rapportée à chaque non, fois. Mais non, pas donc, du tout, mon grand. Si. C'est hyper. Non, mais il y aura une solution. Moi, j'ai un péché mignon. Bah dis-moi ce qui te ferait plaisir. Dis-nous ce qui te ferait plaisir. Qui me ferait extrêmement plaisir et ce qui me remonterait un peu le moral parce que dans la vie ça va pas et j'ai envie de me tuer. Et qu'un film comme ça avec des meurtres, etc., c'est pas cool. C'est vrai. Ouais. Donc j'aimerais beaucoup que la fin se termine en comédie musicale, s'il vous plaît. Ah oh putain. Pilou pali pilou. Les violons pilou pilou. Voilà, et on va. Plus de voisins, tu n'as plus de voisins. On va désormais accueillir Christina et Noémie. Merci pour écrire la fin de cette histoire. Christina qui arrive avec une bouteille entière de bière dans une main. Un verre aussi grande qu'elle, presque. Presque la bouteille est presque aussi grande qu'elle. Et elle arrive, telle une poche trône avec sa bouteille, qu'elle pose sur la table. La contrainte, c'est que la fin est en comédie musicale. Ouais. Ah, quoi? La contrainte, c'est qu'à la fin, il faut que ce soit comédie. Alors ça, c'est par exemple pas obligé de faire ça. D'accord. Comédie musicale horrible. Il n'y a pas de parole. Elle était destinée. Bip bip bip bip. Scatman, the movie. Donc, toutes les c'est paroles. C'est moi qui l'ai tué. Oui, oui, oui. Non, mais toutes les paroles, c'est que des onomatopées. Scabalabadi, la capicou. Bon, allez. Alors Noémie et Christina, qu'est-ce que vous nous avez concocté comme fin dans votre tête? Non mais on peut démarrer le truc. Ouais, musique. Musique maestro. Ça, non musique mais vous vous êtes arrêté sur. Moteur, moteur. Qu'est-ce qu'on peut faire comme fin à ce film musique complètement fucké? Attends, c'est Étienne qui est mort? Ouais. Oh putain, on part de loin. Étienne. Est-ce que l'épée de Gryffondor... Je rappelle. Est-ce qu'on veut finir en résolvant le meurtre d'Étienne? Mais oui, c'est bah bien sûr. C'est ça la fin. C'est oui, alors d'accord, mais faut que ce soit une comédie musicale, attention. Bah, ouais, je propose que. Bien sûr. C'est moi qui l'ai tué. Que Gandalf arrive sur le plateau. Mais pourquoi Gandalf? Ah, l'acteur de Gandalf. Moi, je pense qu'il faut un truc de jalousie. Genre un gars est jaloux d'Étienne sur Lance Mobile. Parce que Étienne, il était trop fort à Lance Mobile. Mais oui, et du coup il s'est fait tuer. Et donc il s'est fait tuer par un adversaire dans la vraie vie. Oui. Ouais, bah ouais. Genre il y a un classement ou quoi? Genre le gars qui est au top du classement, il voit Étienne qui monte, il arrive en seconde place. Et il le dépasse. Genre là, il se dit, mais attends, c'est pas possible, là, je vais me faire détrôner. Et du coup, il le retrouve, et il se trouve que ce mec est néo-zélandais, et qu'il habite vraiment genre à 3 km. Ça veut dire que les deux meilleurs joueurs de Lords Mobile, ils sont néo-zélandais, c'est quand même ce mec est genre cadreur sur le film. Sur le tournage. Ah, sur le tournage. Encore plus petite proba, mais... mais on sait jamais, On est mijurés. On a dit... Non mais c'est pas possible que ce soit les deux sur la Nouvelle-Zélande. Bon ok, ils sont tous les deux sur le tournage alors. C'est encore plus petit que la Nouvelle-Zélande. Étienne s'est trouvé là par hasard. Si Étienne n'était pas venu accompagner Michel. Oui, Étienne il n'aurait pas dû venir. C'est vrai. Étienne n'aurait jamais dû venir. Et là il dit c'est l'occasion rêvée, c'est mon ennemi juré. Mais donc voilà. Il serre le poing comme ça en regardant le ciel en disant salaud. Parce qu'il le reconnaît parce qu'il avait fait une interview sur Combini. Oui, l'étoile montante de Lance Mobile. L'étoile montante. Il a fait un Fast and Curious. Voilà. Staline ou Hitler? Lords Mobile. De Combini ou de Lords Mobile? On s'en fout, c'est un jeu sur mobile. C'est un truc comme ça, non? Ouais, c'est ça, sur mobile. Je sais pas, moi, mais. C'est un jeu. C'est un meuporg. Meuporg, c'est ça. Et donc, ça c'est pas mal. Et donc, comment il découvre finalement que c'est lui qui l'a fait? Le meurtre d'Étienne. Je sais pas. Excuse-moi, t'es sur un canoë, non? Qui a découvert le meurtre? Sur un canoë, ça secoue un peu. Ça secoue là, je suis en train de faire du rafting. Je te vois te fatiguer un petit peu, tu rames énormément, non? Ouais, je fais du rafting à contre-courant. Et je monte les rivières. à la moitié entre l'alpinisme et le rafting. C'est compliqué. Je sais pas, pendant un repas, genre un déj sur le tournage. Ils étaient en train de parler et tout, et là ils se retrouvent assis à côté de ce cadreur qui se trouve être en train de parler de Lords Mobile. Ah oui! Ouais, je suis enfin au top du classement! ça lui remet la puce à l'oreille, et ils se disent Lords Mobile, je sais pas, c'est peut-être. Genre, c'est un jeu qui a pas du tout. Ouais, non. Si, il est connu. Non, ouais, non, mais d'accord, qui pourrait ne pas exister du tout en Nouvelle-Zélande, et ce gars-là, il vient de Nouvelle-Zélande. Bah, les deux ont dit qu'ils viennent des États-Unis. Comment c'est possible qu'il joue à Lords Mobile? Il est néo-zélandais et tout. Et du coup, il n'y en a qu'un. Le seul joueur. Et là, il se rappelle. Il se rappelle de l'interview de Combini. Attends, non, mais l'interview de Combini, on est d'accord, c'était Étienne. Oui, c'était Étienne. Oui, c'était Étienne. Bah, je sais pas. Corée du Nord ou du Sud? Mais non, mais c'est bien. Du coup, il découvre ça parce que le mec... Quoi? Je fais des Fast and Curious. Bah, mon père. Il sera ravi de l'apprendre. C'est une blague, bien sûr. Je sais pas, tu m'as perdu. Pardon. Excuse-moi. Je suis la plus perdue ici. Hein. Et ben, en gros, on essaye de savoir comment il trouve. Il doit trouver qui. Comment il dit. Il y a Louis derrière qui fait. Qui mime un mec qui rame. Comment Michel découvre que ce cadreur a tué son pote? Parce que on dit que Lucien, il veut accuser Michel. Donc Lucien, il est fermé à tous les autres indices qui pourraient l'aider à trouver le meurtrier. Il a demandé. Donc c'est Michel qui me le. Attends, elle a une idée là. Ah non, il y a le colonel Moutarde. Christina va peut-être dire un mot de plus qu'une question. Le colonel Moutarde a trouvé l'arme du crime. Oh, mais si, il peut parler à la fois de Lords Mobile et parler de son test Pottermore où il a trouvé qu'il était Gryffondor et que du coup il avait réussi à choper une épée authentique, genre l'épée authentique du tournage de Harry Potter. Mais attends, mais d'où ça vient le truc de l'épée de Gryffondor? Parce que là, qui m'a parlé? Mais si. Ah oui, au début. Ah oui, bah mais oui. Mais oui. Ah, mais oui. Et en fait, c'est lui. Tu vois, Gandalf, il avait quelque chose. C'est lui, en fait. C'est l'acteur de Gandalf. Donc qui joue à l'ordre mobile. Je l'avais trouvé avant. C'est si, c'est bien ça. Non, t'as juste dit ADN. Et c'est pour ça. Et non, mais je parlais de Gandalf tout à l'heure. Oh. Et c'est pour ça qu'il y a l'épée de Gryffondor. Oui. Voilà. D'accord. On invente l'épée de Gryffondor. Mais non, allez. Mais ah oui, moi on m'a dit l'épée de Gryffondor. Non, mais je sais pas. Je pense que c'était juste un. Mais moi, je pense que c'est entre deux groupes que ça s'est formé parce que. Ouais, je pense. Nous, on a jamais. Bon, du coup, le choix magique de Gandalf. Voilà. Le fait découvrir. Quoi? Le choix pot. Ah, c'est le choix pot. Qui genre chante. On mélange tous les films. Il chante parce ouais, que il c'est chante une comédie. Il y a pas un T-Rex encore. Qui chante aussi. Je peux vous dire qui Ah vas-y. Non, c'est pas là. Vas-y, continue. Attends, par contre, on a tout de suite sauté dans le train de la satisfaction alors que Louis a dit que Gandalf était joué par le même mec qui jouait Dumbledore. Ce qui est totalement complètement faux, c'est juste qu'il y a des vieilles théories. En fait, ils sont débiles. Juste tous les deux vieux. Et blancs. La seule chose qu'ils ont en commun, oui, c'est des vieux mâles blancs. Dans là, l'univers de notre film, c'est ouais, le même. Voilà, c'est le même. Ou alors le premier a eu un. Ou alors, c'est justement, non, mais justement, de base, c'était le même qui faisait Dumbledore, qui jouait Gandalf. Et après ce meurtre, il s'est fait arrêter et jeter en prison. Et du coup, il a pas pu jouer Gandalf. Ils ont dû trouver un autre acteur. Évidemment. Fort, donc, très, ça très peut fort. Marcher, ça peut marcher. Et en fait, ils ont refait toute sa tête en numérique. Oui. Mais à la base, c'était lui. Comme Layla. Et du coup, il va. Il faut qu'il y ait une comédie musicale. Ouais. Et à la fin, grosse chanson de toutes les tous les figurants et toutes les tout techniques qui vont. On a arrêté le méchant. C'était l'acteur bruits, principal. On peut plus faire de film. On a perdu de l'argent. Parce que ça fait mal. Pas ouf. Y a rien qui allait. Oh là là. Christina, en fait, elle a fait trois choses ce soir. Il n'y avait même pas de conviction. Elle a posé l'équivalent de un dico de questions. Elle a crié très fort ADN dans le micro. Et elle a fait la fin de la chanson qui n'avait rien à voir. Voilà. Donc pour moi, Christina, tu n'as pas perdu ta soirée à attendre pour parler. Eh bien, je pense que... On n'a pas un bon film, mais qu'est-ce qu'on a des bons moments. Je pense qu'on peut finir là-dessus. Ouais. Et est-ce qu'on rappelle tout le monde? On peut rappeler tout le monde pour faire la conclusion et le résumé du film. Non. Si. Non, pas de résumé de film. Ok. Bah, ça peut aider quand même. Non, je t'assure que non. T'as appelé ta meuf bof? Ouais. Non. C'est horrible. Oui, bon, ça elle va. Elle le sait? Elle est au courant? Oui. Bah oui, je pense. Je m'appelle Ninotna sur son téléphone, alors c'est pas mieux. C'est vrai? Ouais. Bon, et bah, ça a été Tony Truant. Et oui. Complètement n'importe quoi. Mais on n'a pas un bon film, mais qu'est-ce qu'on a passé un bon moment. Bof. Franchement, ouais. Pas ouais. 2 sur 10. Qui a passé un moment bof? Moi. Qui a j'ai pas passé un moment bof, j'ai passé un horrible moment. Voilà, c'était ma question ça, d'après. 6 sur 10. C'est vraiment. Le 6, c'était vraiment. Ouais, 3 étoiles, voilà, donc, 3 étoiles moi, sur 5. Moi, j'ai juste 5. Passé un moment. Voilà le ça existé, c'est déjà pas mal. Voilà la fin du podcast qui est classé 356e sur 362 des podcasts français. Oh, oh, oh. Allez, 6 derrière nous, vous êtes des nuls. Allez. C'est pas si, c'est RTL derrière nous. Et donc, c'est la fin, quoi. Ouais, c'est la fin. Ouais, c'était sympa. Bon, bah, salut. Merci à tous. Bon bah écoutez, cassez-vous si vous. C'est la fin du podcast. Non, mais on va faire un petit mot. Bus ou pas ouais, c'est grave. C'était aussi la fin des épisodes voilà table, on peut le dire comme ça. Ouais. C'est, ouais. La fin de l'omniprésence de la table dans les épisodes. Maintenant on va faire Sparterre. C'est qui ce personnage? Je voyais pas la chute. Non, mais parce qu'on change, on l'a pas dit à tout le monde, mais on change un peu de fonctionnement. On n'est plus voilà, quatre bah... autour d'une table à bah juste non, parler. On est plus on que va quatre. Faire là. Des trucs, voilà, comme des soirées. On est très proches comme de maintenant. Des... Voilà. Peut-être ça, on va pas le refaire, mais. Ouais, sans doute pas. Peut-être pas, même pas le publier d'ailleurs. Si, oh, bah, si. Parce c'est qu'il faut quand même. C'est l'anniversaire, même. Faut nourrir c'est la maman. C'est quand même les 1 an de. D'internet. Oh. N'hésitez pas! Assez. Ouais, super, ouais! Putain, mais toi, je vais te buter, toi! N'hésitez pas à envoyer. Ta famille, putain! N'hésitez pas à envoyer de l'argent! Bravo! Ouais! Yes! Rendez l'argent! L'argent! Et à mettre des commentaires sur iTunes! Ouais! Yeah. Commentaires positifs! Il y a moins de commentaires sur iTunes que de gens dans cette pièce! Beaucoup moins! Oui, ça sature! ça veut dire que vous n'avez pas laissé de commentaires. Bah personne. Non, fait. Personne. Il y a que toi et Agathe. Christina et. Mais moi j'ai pas iTunes. Moi non plus, je suis pauvre en fait. Ouais voilà. Moi j'ai Android. Mais arrêtez, arrêtez. Moi aussi j'ai Android. Moi je le télécharge illégalement. Je débrouille. Moi je vous écoute sur Deezer les gars. Sur Deezer. Il y a on n'est pas sur Deezer je crois. C'est pour ça qu'il y a. Je ne sais pas. Sur Spotify je crois. On est sur Spotify. Mais si je crois que je vous ai trouvé sur Deezer. Non tu mens en fait. C'est possible parce que j'ai fait une formule, enfin j'ai rempli un formulaire de. Oh. Ah oui. Il a rempli un petit papier. Et ben on va vous dire au revoir. Et un petit message à Tom Blang qui je sais nous écoute jusqu'à la fin. On va t'envoyer le god dédicacé par tout le monde autour de cette table. N'hésite pas à le nettoyer, mais à penser à nous quand tu l'utilises. Vibre bien. Non, non, non, non. Tous ensemble. La vibe. Voilà, à cette belle soirée qui a été la nôtre et que seront les tiennes. Mais du coup, il n'y a pas intérieur de sur 10 heures. Allez, sur ce, qui est pris, croyez prendre. Sur ce, nous nous quittons. Menteur, menteur. Bah c'est le générique en fait, mais personne n'a le casse. Et bah bravo. Ouais. Ouais. Smile.